Eh bien, les 8h37, c'était Fanny Bloom sur les ondes de CIBL. Et parlant de musique, est-ce que la musique autochtone devrait être perçue comme des rythmes du monde ou encore de la musique folklorique, donc de la musique finalement qui ferait partie de notre patrimoine canadien? Eh bien, on lance le débat ce matin avec Annick Mani, elle est blogueuse sur Mi Figue, Mi Raisin. Bonjour Annick. Bonjour. Alors, pourquoi ce débat ce matin? En fait, je vais vous mettre en contexte quand même. Récemment, je naviguais sur la page Tout.tv. En fait, j'avais envie de me rattraper en matière de télésérie parce qu'il y en a tellement eu dans les dernières années. J'avoue que je suis un peu en retard. Alors, je naviguais sur la page et je suis tombée sur le documentaire Huitième Feu, la série documentaire, pardon, Huitième Feu, les Autochtones et le Canada. Puis à travers les épisodes, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de distance. C'était vraiment intéressant comment les Autochtones étaient dépeints dans le cadre du documentaire. On avait vraiment l'impression d'avoir affaire avec une tribu éloignée, un peu comme dans National Geographic, lorsqu'on présente les aborigènes d'Australie un peu. Je trouvais qu'il y avait un traitement qui était... C'était un autre monde. Oui, c'était un autre monde. Je trouvais que le traitement n'était pas mis comme si c'était des gens d'ici. Et ça m'a vraiment, pas troublée, mais j'ai trouvé ça quand même étrange, en quelque part. Il faut dire que deux cultures complètement différentes, ça, on peut s'entendre là-dessus, qu'il y a vraiment eu des évolutions diverses. Mais il ne reste que c'est des gens d'ici, à la base. Mm-hmm. Ce ne sont pas des Autochtones qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je trouve que le traitement devrait être fait comme si on parlait un peu des anciens, des ancêtres. Comme les petites capsules qui sont en ce moment diffusées sur les ondes de TVA, sur les noms de famille. Je ne sais pas si tu les as vues, ça devrait être traité de la même façon, donc... notre histoire, etc. C'est pas du tout traité de cette manière-là. C'est vraiment plus de manière éducative, c'est informatif. Alors, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et là, je me suis posé la question en entendant justement, en voyant les danses traditionnelles, en voyant les chants et tout ça, les costumes, les plumes, les fameuses plumes traditionnelles. Je me suis dit que finalement, la plupart des gens ne percevaient pas cet univers-là comme étant partie de notre folklore, donc du patrimoine canadien ou québécois. Puis justement, quand tu vas au Archambault ou au HMV de manière générale, dans la section des cuillères puis des chants folkloriques, tu ne vas pas retrouver de la musique autochtone. Alors, on doit vraiment se poser la question, est-ce que les chants autochtones, donc les tambours et tout ça, sont perçus comme étant faisant partie intégrante de notre héritage culturel, de notre patrimoine ou de rythme du monde? Et en ce moment, on les classe quoi, dans rythme du monde normalement? Oui, c'est dans rythme du monde. En général. Justement, pour répondre à la question, j'ai interrogé deux membres de communautés distinctes, donc Isabi Zaha, qui est Inou, et Samia, qui est d'origine algonquine. Alors, deux perceptions complètement différentes. On sait que Samia offre un discours extrêmement engagé. Et notamment Isabi, vers le plan Nord, il a sorti sa chanson. Exactement. Sur le plan Nord. C'est assez percutant, on pourrait dire, lorsqu'on écoute ses chansons et également lorsqu'il se présente dans le cadre d'entrevue. Elisapi, son approche est un peu plus diplomate, je pourrais dire. Elle est plus proche de la nature. Elle fait la promotion de la communauté inuit d'une manière un peu plus soft, un peu plus douce. Quand même. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ils ont perçu la chose. Donc, personnellement, comme je l'ai mentionné, je trouve que notre perception des Autochtones est très... c'est vraiment une communauté qui est perçue comme un peu exotique. Et quand j'ai posé la question à Elisapi, lui demandant pourquoi, de manière générale, lorsqu'on voit des documentaires qui portent sur les Autochtones, c'est toujours perçu comme des gens qui sont des petites bibittes un peu étranges. Puis, elle m'a répondu ceci. Il y a un manque de proximité entre les Québécois, les Canadiens et les peuples autochtones. Il y a un manque de connaissances, peut-être même d'humanisme en quelque part, parce qu'on les perçoit comme des étrangers. Puis il y a une peur de l'autre, bien sûr. On a peur des gens qu'on ne connaît pas vraiment très bien, parce qu'on s'entend que l'image qu'on a des peuples autochtones n'est pas toujours positive. Surtout au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent, par exemple. Et est-ce que, à l'inverse, est-ce qu'eux nous perçoivent comme des étrangers? Oui, mais en fait, des gens qui ne connaissent pas leur culture, leur histoire, leurs ancêtres aussi. Donc, il y a vraiment une distance, un pont, un écart qui s'est créé entre les deux. Puis en plus, j'ai posé à Samia et à Elisapi la question, quelle est la perception de la musique autochtone de manière générale? Est-ce que vous pensez que c'est exotique comme musique? Et la réponse de Samia a été assez claire. Il a été catégorique, ce n'est pas exotique parce que ça vient d'ici. Mais pour le CRTC, c'est classé « musique étrangère ». Ça aussi, c'est particulier que le CRTC, qui est quand même une association canadienne, perçoive la musique autochtone comme étant une musique étrangère, quand même. Et un autre aspect de réponse qui m'a été amené aussi, c'est le boycottage de la culture autochtone qui a été faite avec les missionnaires. Donc, on leur empêchait de parler, vous les êtes au courant, on les a empêchés de parler leur langue pendant plusieurs années. Ils étaient même victimes d'abus s'ils prononçaient des mots dans leur langue maternelle. Alors, sa réponse a été, à Ilsepi, assez éloquente aussi, on a tout fait pour éviter l'évolution naturelle des peuples autochtones. On a tout fait pour nous isoler. Bref, la possibilité d'évoluer, surtout de le faire à notre rythme, a été éliminée et la culture a été brisée. C'est intéressant comme approche. Mais il faut dire qu'eux ont baigné aussi dans cet univers-là de musique autochtone ou leur tradition pendant des années. Alors pour eux, ça semble pas quelque chose d'exotique, mais de voir justement qu'on perçoit leur culture comme étant quelque chose de à part, on the side, c'est effectivement... Mais il y a de plus en plus de mouvements ces dernières années pour mettre de l'avant ces communautés-là. D'ailleurs, il y a un portail qui est sorti sur l'art, la musique aussi de autochtones. Alors, on essaie de mettre ça de l'avant. Le Bois Piconi Mobile aussi essaie, de culturellement parlant, de mettre l'avant ces communautés-là. Mais je pense que c'est loin ça, d'être gagné. Là, et la solution, je pense que c'est d'offrir une meilleure éducation dans les cours d'histoire, par exemple, de pas juste mettre l'emphase sur l'histoire du Québec. L'histoire du Québec, ça comprend également l'histoire des autochtones. Même chose au niveau canadien. Je pense qu'il y a un manque d'éducation, un manque d'histoire. Personnellement, moi, je ne connais pas les figures importantes de la communauté autochtone. Et chose aussi importante, Ilsepi m'a bien aussi précisé que les Premières Nations n'incluent pas les Inuits. C'est deux groupes complètement différents. Il y a les Premières Nations, il y a les Inuits, puis il y a les Autochtones en général. Alors, il y a aussi toutes ces précisions-là que les gens ne sont pas au courant aussi. Je pense qu'on devrait avoir une meilleure éducation. Alors, je reçois un commentaire à l'instant d'une auditrice, Whitney, qui nous dit « Effectivement, depuis la présence européenne, leur culture est mal perçue, manque d'éducation. » Oui, exactement. Je pense que c'est exactement ça. Et l'opinion, quand j'ai posé vraiment la question à Ilsepi et à Samia, est-ce que c'est une musique folklorique ou des rythmes du monde? Ilsepi a répondu « C'est les deux. » Parce que c'est folklorique à la base, mais avec le métissage, ça peut devenir de la musique du monde, une musique universelle. Eh bien, Annick, on va se laisser justement sur Ilsepi. Oui, parce qu'on doit oublier le Isaac, semble-t-il. C'est maintenant juste Ilsepi. Oui, effectivement. Qui, justement, s'est éloignée dans son dernier album qui est sorti mardi en magasin. On vous l'a présenté à l'émission. Elle s'est éloignée un peu de ses racines autochtones pour un style un peu plus international, un style qui se vendrait peut-être mieux ailleurs. Alors, voici Ilsepi. Et merci beaucoup, Annick. Isaac n'est plus. Et on peut te lire sur ton blog Mi Fig Mi Raisin, annickmani.com. Merci beaucoup. Au plaisir.